Je me suis fait une réflexion ce matin. Ça vaut ce que ça vaut. Je prenais une marche dans certains beaux quartiers. J'admirais une résidence qui appartient à un juge. Je me disais, il y a vraiment des gens privilégiés dans la société. Puis là, le train de mes pensées m'a entraîné sur le passage à niveau d'André Boisclair. Puis, je me disais, avec ce qu'on sait, avec ce qu'on devine, avec ce qu'on saura plus tard, avec ce qu'on saura jamais, mais qui fait partie du bagage habituel des gens qui ont un mode de vie marginal et qui se mettent la face dans la poudre blanche, je veux pas porter de jugement sur le politicien, je veux pas porter de jugement sur l'homme, je veux juste essayer de comprendre quel genre d'individu veut être premier ministre du Québec. J'ai un infini respect pour ceux qui souffrant de ces dépendances-là, réussissent à les contrôler et à faire des vies productives, normales, satisfaisantes, et à être des amis, des maris, des papas, des mamans, des mères, des compagnes, à la hauteur de ce qu'ils sont capables d'être. Vaincre une dépendance, c'est un geste de courage remarquable. D'autant plus que la cocaïne a la réputation de créer une dépendance psychologique infernale. Donc, oubliez pas là que si le gars y est clean, puis d'après moi, la chose que l'organisation Boisclair devrait offrir demain matin au public, c'est un test d'urine. À quand un test d'urine d'André Boisclair? Mais j'essayais de penser quel genre d'homme est André Boisclair. C'est un gars qui... J'essaye de penser au genre d'homme qu'est André Boisclair. Et je me dis, voici un homme qui veut être premier ministre du Québec. Il veut faire l'indépendance. Il veut avoir le pouvoir de vous taxer, de changer les lois, de légaliser la marijuana s'il le veut, quand le Québec sera indépendant, de jouer un rôle déterminant dans la société canadienne et québécoise. Il veut ça. Puis, il dit, j'ai eu une époque de foireux où j'ai utilisé de la cocaïne. On ne sait pas jusqu'à quel point il était accro. On ne sait pas jusqu'à quel point il s'en est sorti. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il en a pris assez pour que ça fasse scandale à l'intérieur du gouvernement et que Lucien Bouchard le traite avec une brutalité politique qui a épaté beaucoup. En d'autres mots, t'arrêtes ou je te dénonce puis je te mets à la porte du gouvernement. Ce gars-là a décidé quelque chose. Je serai candidat pour être premier ministre du Québec à la tête du Parti québécois qui fera l'indépendance. Ça, c'est sa décision. Est-ce qu'il pensait qu'on le saurait jamais? Ça, c'est de la pensée magique. Est-ce qu'on veut un premier ministre qui a de la pensée magique? Ben non. On veut d'un premier ministre qu'il soit un leader. Donc, qu'il ait un bon contact avec la réalité. Est-ce que... Donc, il pensait pas qu'on le saurait jamais. Il savait qu'on le saurait un jour. Est-ce qu'il pensait qu'on trouverait ça normal? Hey, lui a pas d'enfant, nous autres, on en a. Y a-t-il un père ou une mère de famille à l'écoute qui voudrait que on passe le message à nos enfants que la face d'en poudre, après ça, t'as droit aux plus grandes fonctions de la société? Pantoute. Donc, il s'est quand même dit, je vais être candidat, puis soit qu'ils le sauront jamais, soit que s'ils savent, ils vont trouver ça correct. La merde, on peut pas trouver ça correct. Je n'ai rien contre la réhabilitation de quelqu'un qui a subi ce genre d'épouvantable dépendance. Non, non. Je dis que il y a des choses que tu peux pas faire plus tard. Comme par exemple, diriger un pays. Tu sais, ça demande un... À moins que... Ou encore, il s'est dit... Shit, ils oseront pas me critiquer. Je suis un homosexuel, donc ils vont être obligés de me ménager. Ils savent que je suis facilement victime de discrimination, puis je m'en sers. Par conséquent, ils oseront pas. Est-ce qu'il y a une troisième explication? Ou ben donc, ils sauront jamais. Ou ben donc, ils vont dire que c'est pas grave. Ou ben donc, ils vont trouver ça grave, mais ils oseront pas. Est-ce qu'il y a une quatrième possibilité? Le jour où André Boisclair s'est dit « Je veux être premier ministre du Québec en étant chef du Parti québécois et en menant mon parti à la victoire contre Jean Charest », il s'est dit « Un, deux ou trois, A, B ou C. Y a-t-il un D? Est-ce que j'en oublie un? » Ou bien il s'est dit « Je vais réussir à toujours cacher ça. » Ou bien il s'est dit « Ils vont dire que c'est pas grave. » Ou bien il s'est dit, ils vont trouver ça grave, mais ils oseront pas le dire. Est-ce qu'une seule de ces trois alternatives, une seule de ces trois possibilités dans l'alternative est positive? Les Québécois le sauront jamais parce que les journalistes sont mes amis. Ou ben donc, ils vont le savoir, mais ils vont dire, c'est pas grave, André. Ou ben donc, ils vont trouver ça grave, puis ils oseront pas le dire. Est-ce qu'il y a une quatrième possibilité? J'en vois juste trois, moi. Si vous en trouvez une quatrième, dites-moi que vous allez me le dire pour faire mon éducation. Puis si on est vraiment limité à une de ces trois possibilités-là, ce gars-là, même s'il est clean, et j'ai aucune preuve qu'il le soit, sauf sa parole, puis une parole de politicien, qu'est-ce que ça vaut? Il n'y a pas d'affaire là. Il n'y a pas d'affaire là pour aucune considération. Et s'il veut me faire croire qu'il est clean, pourquoi il ne fait pas un test d'urine? Vous savez, je vous écœure souvent avec mon hobby qui prend de plus en plus de place dans ma vie, qui est celui, malgré mon âge, très avancé, de routier professionnel. Ça fait une dizaine d'années que je fais ça. Ça me rend heureux. En tant que routier professionnel qui roule aux États-Unis, je suis soumis à une vérification aléatoire par le département du transport des États-Unis. Ça fait en 10 ans, 4 ou 5 fois, même je pense que c'est arrivé 3 fois en 2 ans, mais là, depuis 9-10 ans, là, ça fait 4 ou 5 fois où mon patron dans la compagnie de transport m'appelle puis dit « Faut que t'ailles pisser dans la bouteille. » Je quitte ce que je fais. J'ai 2 heures pour me présenter au centre de prélèvement de Québec, sur le boulevard René Lévesque, près de Marguerite Bourgeois, une petite compagnie qui appartient, je pense, à des infirmières. Ils sont adorables, sont efficaces, sont gentils. J'arrive là, faut que je me déchausse, faut que je vide mes poches, sans dessus-dessous, là. Tu prends tes poches, tu les vires à l'envers, tu mets tout sur la table, ton permis de conduire, ton portefeuille, ton argent, ton canif, tout ce qu'un gars traîne dans le fond de ses poches, mes condoms, tout, mets ça sur la table. J'ai les poches bien vides, ils me donnent un bocal, ils me font rentrer dans la toilette, rentre avec moi dans la toilette et vérifie qu'il n'y a rien dans la toilette. Je pisse, je ferme le bocal, je me lave les mains, je ressors, devant moi, ils prennent le bocal, ils divisent la pisse en deux, comme si j'étais un coureur olympique. L'échantillon A, l'échantillon B. je signe sur un sceau qui est apposé sur le bocal, ma signature, la signature de l'infirmière, un numéro de série, un pédigree, avec un papier que tu peux pas décoller, il va déchirer si tu l'as. C'est un sceau, c'est scellé. Là, ils prennent un thermomètre puis le mettent dans la pisse pour être sûr qu'il est à 98 et 3 cinquièmes Fahrenheit, 37,5. Parce que si la pisse est froide, c'est parce que j'ai caché de la pisse à quelque part. Il faut que ça sorte de mon zizi à la température interne de mon corps. Une fois que ça c'est fait, ils mettent ça dans des enveloppes qui portent des numéros de série dont on me donne une copie, que l'infirmière garde une copie, puis là, ça part pour le gouvernement des États-Unis qui a un bureau à Toronto. Ma pisse, à moi, qui s'en va. Je pense que ça s'en va par Purolator ou FedEx, mais enregistré dans une enveloppe scellée avec des signatures sur les sceaux. Moi, j'ai un reçu de ça. Je suis juste un chauffeur d'autobus, moi, là. Je veux pas être premier ministre. Ils ont aucune raison de me soupçonner. C'est au hasard. J'ai jamais dit, j'ai déjà utilisé de la cocaïne jadis. S'ils me posent la question, la réponse c'est non. J'ai jamais utilisé de cocaïne de ma vie. Une puff de marijuana en 1974, puis je m'en rappelle. J'ai donc deux échantillons de pisse en route pour Toronto. Et en arrivant là-bas, ils vont vérifier s'il y a de la cocaïne, de la marijuana, des amphétamines, tout. Et si à ce moment-là, je prends des médicaments prescrits, je dois en garder une liste pour répondre aux questions. On a trouvé de quoi dans votre pupille? Quel médicament prenez-vous? Je prends ça, ça et ça. Envoyez-nous une copie des prescriptions de suite. S'ils trouvent de quoi? Ça peut être un dérivé quelconque. J'ai pas le droit d'avoir rien qui concerne de près ou de loin les narcotiques. En plus, pendant qu'elle scelle les petits pots, elle me fait souffler dans un ivresomètre pour être sûr que je suis à 0.00 si je suis en devoir, que je suis en bas de 0.04 si je suis pas en devoir, et que je suis en bas de 0.08 en tout temps. Si j'excède, mais que je suis pas au volant, je vais être référé à un programme de contrôle de la consommation d'alcool chez mon employeur. Je suis juste un driver, moi, là. Je veux pas être premier ministre du Québec. Et c'est vrai de tous les chauffeurs commerciaux de camions remorques, de camions flatbed, d'équipements lourds, d'autocars, de chauffeurs d'avion, de tout le Canada qui roule aux États-Unis. Le gouvernement du Canada fait aucun contrôle, c'est le gouvernement américain qui fait ça. Il fait la même chose pour les Mexicains. Ils veulent pas que quelqu'un qui a déjà pris de la cocaïne et qui en a la moindre trace dans son pipi soit au volant d'un véhicule sur leur territoire. Ils parlent pas de gouverner le char de l'État. Ils parlent de chauffer un véhicule. Je demande à André Boisclair d'aller au centre de prélèvement pisser dans une canule. Aujourd'hui. Puis de passer les mêmes tests que les citoyens québécois passent pour avoir le droit de chauffer aux États-Unis. S'il passe à ce test-là, on va le croire qu'il est propre. On va le croire à ce moment. On va croire, non pas qu'il a arrêté il y a un an ou il y a 10 ans, mais que le jour du test, il n'y avait rien dans le système. Avec les stress qu'il vit, ce gars-là, si on l'avait fait pour Jean-François Bertrand, le jour de la campagne électorale, on l'aurait su tout de suite que c'est un cocaïnomane. Tout de suite! Que ce soit dans l'exercice de ses fonctions ou non, la cocaïne, si je ne me trompe pas, ça reste dans le système pendant des semaines. Tu peux pas être sobre quand t'es ministre, puis plus avoir de traces le soir, ou le vice-versa. Vous rappelez-vous de l'athlète aux Olympiques qui avait trouvé de la marijuana, puis son excuse, c'est j'étais allé dans un party, puis il y a quelqu'un qui a fumé à côté de moi il y a une semaine. Il y a une semaine. Pourquoi le Parti québécois, la présidente du parti, Louise Arel, la mièvre Louise Arel, ne fait pas une déclaration aujourd'hui en disant afin d'aider les citoyens du Québec à se faire une idée sur le premier ministre que va leur proposer le Parti québécois, nous demandons à tous les candidats d'aller passer un test de détection des narcotiques au centre de prélèvement de Québec, là, comme les chauffeurs d'autobus. On va savoir ce résultat-là, moi. Quant à André Boisclair, je suis prêt à le croire qu'il est propre. Mais ça ne fait pas de lui un candidat respectable pour être premier ministre du Québec. Puis j'aimerais ça juste pour voir si c'est un menteur en plus, là. Qu'il aille passer le même test que des centaines et des centaines de chauffeurs de camions québécois passent à toutes les années. Oh, une autre chose. Si je roule aux États-Unis demain matin, et que pour n'importe quelle circonstance, je suis impliqué dans un accident, et que dans cet accident, pour n'importe quelle raison, on doit appeler une ambulance. Ça peut être quelqu'un qui saigne du nez, ça peut être quelqu'un qui est décapité. Du moment qu'une ambulance est appelée sur les lieux d'un accident aux États-Unis, on va immédiatement me forcer à un test d'haleine, et à un pipi dans le bocal. Et si jamais je suis impliqué dans un accident au Québec, alors que la loi ne le prévoit pas, je vais exiger un test d'ivresomètre, dès là. Puis un test de pipi, dès là. Parce que moi, je suis propre. André Boisclair, êtes-vous prêt à pisser dans un bocal?